Exode chapitre 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je mette au-dedans de lui les signes que je m'en vais faire, et afin que tu racontes, ton fils et le fils de ton fils l'entendant, ce que j'aurai fait en Égypte, et mes signes que j'aurai fait entre eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse donc, et Aaron, vinrent vers Pharaon, et lui dirent, ainsi a dit l'Éternel le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant ma face? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car, si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je m'en vais faire venir demain des sauterelles en tes contrées, qui couvriront toute la face de la terre, tellement qu'on ne pourra voir la terre, et qui brouteront le reste de ce qui est échappé, que la grêle vous a laissé, et brouteront tous les arbres qui poussent dans les champs, et elles rempliront tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens, ce que tes pères n'ont point vu, ni les pères de tes pères, depuis le jour qu'ils ont été sur la terre, jusqu'à aujourd'hui. Puis ayant tourné le dos à Pharaon, il sortit d'auprès de lui. Et les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand celui-ci nous tiendra-t-il enlacés? Laisse aller ces gens, et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu attendras-tu de savoir avant cela que l'Égypte est perdue? Alors on fit revenir Moïse et Aaron vers Pharaon, et il leur dit, allez, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont tous ceux qui iront? Et Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec notre menu et gros bétail, car nous avons à célébrer, une fête solennelle à l'Éternel. Alors il leur dit, que l'Éternel soit avec vous, comme je laisserai aller vos petits-enfants. Prenez garde, car le mal est devant vous. Il n'en sera donc pas ainsi que vous l'avez demandé, mais vous, hommes, allez maintenant, et servez l'Éternel, car c'est ce que vous demandez. Et on les chassa de devant Pharaon. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, pour faire venir les sauterelles, afin qu'elles montent sur le pays d'Égypte, et qu'elles broutent toute l'herbe de la terre, et tout ce que la grêle a laissé de reste. Moïse donc étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel amena sur la terre, un vent oriental tout ce jour-là et toute la nuit, et au matin le vent oriental eut enlevé les sauterelles. Et il fit monter les sauterelles sur tout le pays d'Égypte, et les mit dans toutes les contrées d'Égypte, elles étaient fort grosses, et il n'y en avait point eu de semblable avant elles, et il n'y en aura point de semblable après elles. Et elles couvrirent la face de tout le pays, tellement que la terre en fut couverte, et elles broutèrent toute l'herbe de la terre, et tout le fruit des arbres que la grêle avait laissé, et il ne demeura aucune verdure aux arbres, ni aux herbes des champs, dans tout le pays d'Égypte. Alors Pharaon fit appeler en tôt, eut diligence Moïse et Aaron, et leur dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous, mais maintenant, je te prie, pardonne-moi mon péché seulement pour cette fois, et fléchissez l'Éternel, votre Dieu, par prière, afin qu'il retire de moi cette mort-ci seulement. Il sortit donc d'auprès de Pharaon, et il fléchit l'Éternel par prière. Et l'Éternel fit lever à l'opposite un vent très fort de l'Occident, qui enleva les sauterelles, et les enfonça dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toutes les contrées d'Égypte. Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël. Puis l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait sur le pays d'Égypte des ténèbres aussi épaisses, qu'on les puisse toucher à la main. Moïse donc étendit sa main vers les cieux, et il y eut des ténèbres fort obscures en tout le pays d'Égypte, durant 3 jours. L'on ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours, mais il y eut de la lumière pour les enfants d'Israël dans le lieu de leur demeure. Alors Pharaon appela Moïse, et lui dit, allez, servez l'Éternel, seulement que votre menu et gros bétail demeure, même vos petits-enfants iront avec vous. Mais Moïse répondit, tu nous laisseras aussi amener les sacrifices et les holocaustes que nous ferons à l'Éternel, notre Dieu, et même nos troupeaux viendront avec nous, sans qu'il en demeure un ongle, car nous en prendrons pour servir à l'Éternel notre Dieu, et nous ne savons pas ce que nous offrirons à l'Éternel, jusqu'à ce que nous soyons parvenus en ce lieu-là. Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut point les laisser aller. Et Pharaon lui dit, « Va-t'en en arrière de moi, donne-toi de garde de voir plus ma face, car au jour où tu verras ma face, tu mourras. » Et Moïse répondit, « Tu as bien dit, je ne verrai plus ta face. »